J'étais seul près des flots par une nuit d'étoiles, par un nuage aux cieux sur les mers, pas de voile. Mais j'ai plongé plus loin que le monde réel. Et les bois et les monts et toute la nature semblaient interroger dans un confus murmure. Les flots des mers, les feux du ciel, et les étoiles dans les champs infinis. À voix haute, à voix basse, avec mille harmonies, disait à l'indiquant la couronne de feu, et les flots bleus que rien ne gouverne et n'arrête. C'est en recoupant l'écume de leur crête. C'est le Seigneur Dieu.